6. Bien public, un phare, une chanson. Lue par Justine Miseau. Bien public, un phare, une chanson. Depuis le 19e, les lignes de front n'ont guère bougé. Les discours les plus conquérants sur le droit d'auteur ou les brevets puisent toujours leur inspiration dans la conception naturelle de la propriété intellectuelle, telle la lettre ouverte d'Aznavour et consorts. Celle-ci mène à une revendication toujours plus appuyée d'un droit exclusif du créateur ne souffrant ni limite ni exception. En revanche, les discours plus nuancés, qui font appel à la notion de propriété collective et soulignent la différence profonde de nature entre la propriété physique et la propriété intellectuelle, ont bénéficié d'avancées théoriques autour de la distinction entre bien public et bien privé. Une voiture est un bien privé. Son usage est dit excluable et rival. Rival, car la jouissance du bien, par un tiers, limite ma propre jouissance. Si tout un chacun peut utiliser ma voiture, ma propre consommation en sera limitée. Pire, tous ces squatteurs risquent de l'abîmer à force de l'utiliser. Heureusement, la nature du bien privé me vient en aide. Il est facilement rendu excluable. Autrement dit, il m'est assez aisé d'empêcher autrui de l'utiliser. Je peux fermer ma voiture à clé, par exemple. Les biens publics, eux, sont non rivaux et non excluables. La consommation d'un tel bien par une personne n'entrave en rien la consommation du même bien par d'autres. L'exemple le plus connu est celui du phare. Sa lumière profite à tous les bateaux, quel que soit leur nombre, non rivalité. Le phare pose aussi une autre difficulté. Comment réserver la lumière au seul bateau ayant payé pour en bénéficier ? Non-excluabilité. L'apport de cette distinction entre bien privé et public est crucial à toute réflexion sur la propriété des œuvres et des inventions. Car si les objets physiques et matériels sont toujours des biens privés, les objets immatériels, les œuvres, les connaissances et nombre de services sont en général des biens publics. Certes, dans le domaine culturel, la nature des biens est plus ambiguë. Une chanson, en tant que telle, s'apparente à un bien public. On peut la fredonner de mémoire. Mais elle se présente au public associée à un bien privé, un CD, tout comme l'est un concert ou une séance de cinéma. Dans ces deux derniers cas, la salle fait office de bien privé, où se retrouvent les caractéristiques de rivalité, trop de monde à un concert diminue le plaisir collectif, et d'excluabilité. On paie à l'entrée, un videur est là pour refouler d'éventuels resquilleurs. Une idée est, en revanche, un bien public pur. Un jour, il y a très longtemps, quelqu'un a eu l'idée d'inventer la roue. Peu importe que des millions de gens aient désormais en tête ce principe, aucun d'entre eux ne pâtit du fait qu'il partage cette idée avec les autres. Autrement dit, une idée ne s'use pas si l'on s'en sert. Ce que Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs de la démocratie américaine, formulait ainsi. Si la nature a rendu moins susceptible que toute autre chose d'appropriation exclusive, c'est bien l'action du pouvoir de la pensée que l'on appelle une idée. Qu'un individu peut posséder de façon exclusive aussi longtemps qu'il la garde pour lui, mais au moment où elle est divulguée, elle devient la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut pas en être dépossédé. Sa propriété particulière aussi, et que personne ne la possède moins parce que tout le monde la possède. Celui qui reçoit une idée de moi reçoit un savoir sans diminuer le mien, tout comme celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans la pénombre. Que les idées circulent librement de l'un à l'autre partout sur la planète pour l'instruction morale et mutuelle de l'homme et l'amélioration de sa condition, voilà qui semble avoir été conçu à dessein par la nature bienveillante quand elle les a créés, libres comme le feu qui s'étend partout, sans diminuer leur densité en aucun point, et comme l'air que nous respirons, dans lequel nous nous mouvons et nous situons physiquement, rétive au confinement et à l'appropriation exclusive. Les inventions, par nature, ne peuvent donc être sujettes à propriété. Jefferson exprime bien la difficulté qu'il y a à priver quiconque d'une idée dès qu'elle circule. C'est la non-excluabilité des biens publics qui est affirmée ici. L'image de la bougie illustre la non-rivalité. On peut bénéficier de la lumière sans en priver les autres. Jefferson souligne aussi que ces caractéristiques des idées sont un don de la nature. C'est là un amusant renversement des thèses du droit naturel. Il s'oppose ainsi nettement à Bastiat, Jobart ou Lamartine, en soulignant que, si les idées ont une nature, c'est bien celle d'être libre et de se diffuser. Il rappelle enfin qu'une invention est une idée et rien de plus. Lui-même était inventeur, et fut même le premier commissaire au brevet de la jeune démocratie américaine. Il resta très réticent à accorder des brevets sur des inventions, mesurant à quel point les titres de propriété sur celles-ci limitaient la circulation des connaissances.